À l'occasion du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, le Parti pour la paix et l'unité de Russie et la maison d'édition Sangatti de la ville de Dhaka, Bangladesh, ont fait paraître respectivement en brochure les œuvres du maréchal Kim Jong-un, luttant ferme pour la victoire finale en portant encore plus haut l'étendard du Sungun, et le service fidèle pour les masses populaires est le mode d'existence et la source de la force invincible du Parti du Travail de Corée. Par ailleurs, toujours à la même occasion, l'Association pour la promotion des relations Autriche-République populaire démocratique de Corée a présenté dans son homepage d'Internet l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un. La cause du parti des éminents camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il triomphera à coup sûr.